إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من الناس من يكون حبه وبغضه وإراداته وكراهيته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فإن اتبع الهوى يعني فقد ضل عن سبيل الله لأن الله تعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والمرء يلام على اتباع الهوى أما إذا دافع الإنسان هواه فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه فكل من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك فقد اتبع هواه وضل عن سبيل الله قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وبقدر معصية العبد وإعراضه واتباعه لهواه يناله الذل والخزي في الدنيا ويناله العذاب يوم القيامة هذه سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وتواعد سبحانه وتعالى من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقوبة العاجلة والآجلة فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن كثير رحمه الله أي فليحذر وليخشى من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو حد أو حبس أو نحو ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومجرد الحب والبغض هو هوى ولكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال الله لنبيه داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق ولا وتعاقب على ما خالفته من الحق. قال: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه فيخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق ولا تعاقب على ما خالفته وتعاقب على ما خالفته من الحق. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر. وقد جاء ذم اتباع الهوى في القرآن الكريم العظيم في آيات كثيرة، بل ووصف الله أهل تلك الصفة بأسوأ الأوصاف، فقال عز وجل في من اتبع هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لأنه في كل شيء لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة ولا إلى أهل العلم ولا حتى إلى عقله، وإنما يرجع إلى هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وإذا كان الإنسان تنصحه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم فلا ينتصح، فعلى ماذا يدل؟ فعلى ماذا يدل هذا؟ الجواب: قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الجواب: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ويقول علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ولرسول فلا يستحضر ما لله ورسوله من الأمر، ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضا الله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب بهواه. عباد الله، إن علاج الهوى يكون بالتجرد لله والخشية منه سبحانه وتعالى، بانقطاع القلب عن حظوظ النفس ومزاحمة المراد والمزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات القلب إلى ما سوى الله، ورغبة فيه، وحبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. فالمطلوب من المؤمن أن يتجرد في أعماله لله وحده من كل ما سواه، وأن تكون الحركة والسكون في السر والعلن لله تعالى، لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا ولا جاه ولا سلطان، حتى لا يكون صاحب هوى ممن اتبع هواه وضل وتاه وأمسى إنسانا سائبا لا ينضبط بضابط ولا ينزجر بزاجر. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تكن يا عبد الله بعد هذه الذكرى ممن قال تعالى فيهم ومنهم من يستمع إلي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأتمر بما أمر الله نبيك به فقال سبحانه وتعالى لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فالحق واحد وهو الوحي وما عداه فهو الهوى المذموم قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال في قسيمه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن الأدعية المأثورة ما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يدعو الله بهذا الدعاء الجامع الحار ويسأله الهداية لما اختلف فيه من الحق أي الزيادة فيها والثبات عليها فكل ناشد للحق أولى بهذا الدعاء فما أحوجنا أن نتجرد في طلبنا للحق وأن ندور معه حيث دار وأن ننصره حيث كان ومن أي جهة صدر فإنه وربي من علامة الصدق والإخلاص ولا بد من الاعتناء بتربية الناس على التسليم لله تبارك وتعالى وتعظيم نصوص الشرع وأخذ الدين بقوة والبعد عن تتبع الرخص وزلات العلماء قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة ويقول لنبيه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة عباد الله كثر في هذه الأيام تتبع الناس لفتاوى ورخص العلماء فيما يهوونه ويرغبونه من متاع الدنيا وزينتها وإن خالفت هذه الفتاوى من كان أوثق وأعلم وأتقى لله ممن أفتاهم ورخص لهم ولا يبحثون عن الحق وإنما يبحثون عمن يفتي لهم بحل ذلك المال كائنا من كان وهذا هو الهوى بعينه حتى إنك لتقول لأحدهم إن هذا الأمر حرمه أكثر العلماء فيجيبك بأن فلانا أحله وأنا آخذ بفتواه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الإنسان إذا أصيب بمرض ذهب يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ليقينه بأنه أقرب إلى الصواب من غيره وأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا والواجب على المسلم اتباع الدليل لأن أقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة وإذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء فعليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا خالفت أقوالهم أو فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم. ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى، بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علما وأشد خشية لله. ثم يقول رحمه الله وهل يليق بالمسلم أن يحتاط لبدنه ويذهب إلى أمهر الأطباء مهما كان بعيدا وينفق على ذلك الكثير من الأموال ثم يتهاون في أمر دينه ولا يكون له هم إلا أن يتبع هواه ويأخذ بأسهل الفتوى ولو خالفت الحق؟ بل إن من الناس والعياذ بالله من يسأل عالما فإذا لم توافق فتواه هواه سأل آخر، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يهوى وما يريد. ولهذا قال العلماء من تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد، والزندقة هو النفاق والعياذ بالله. وليس للمسلم أن يختار أسهل الأقوال، لأنه بهذه الطريقة يتنصل من التكاليف الشرعية أو جلها، بل على الشخص أن يختار من أقوال العلماء أرجحها من حيث الدليل، وإن كان أهلا للنظر والموازنة يعني أخذ أرجح أقوال العلماء من حيث الدليل. فإن لم يكن من أهل الموازنة وأهل يعني ليس عنده علم يعني كافيا حتى يميز ويرجح، فإن لم يكن على هذه الدرجة فعليه أن يقلد أوثق العلماء في نفسه علما ودينا وورعا. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que parmi les hommes, il y en a qui aiment et qui détestent selon leur âme et leur désir, et non selon ce que Allah et son messager ont aimé. Et cette catégorie fait partie de ce qu'on appelle en arabe al-hawa, le fait d'aimer et le fait de détester uniquement par rapport à nos désirs et ce que notre âme nous demande, et non pas selon ce que Allah et son messager aiment et selon ce que Allah et son messager détestent. Approchez-vous un peu. Faites un peu d'espace pour les frères qui sont derrière vous. Il y en a qui arrivent maintenant, puis ne trouvent pas de place. Donc, le croyant, al-mu'min, il met l'amour d'Allah au-devant de tout. Il met l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur au-devant de toute autre chose. Et ce que Allah et son messager aiment, c'est ce qu'il aime. Et ce que Allah et son messager n'aiment pas, c'est ce qu'il n'aime pas. Et si le Coran enseigne quelque chose, il le prend et il le suit. Tandis que la personne qui suit uniquement ses désirs et sa passion, s'il trouve que le Coran enseigne quelque chose qui est en accord avec ses désirs, il l'accepte. S'il trouve que le Coran et la Sunna enseignent quelque chose qui est en contradiction avec ses désirs et sa passion, il ne l'accepte pas. Ou bien il refuse de le suivre. Alors cette personne fait partie de ceux qui ont suivi leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet dans le Coran ce qui signifie « Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion ?» sans aucune guidance venant d'Allah. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie les gens qui suivent leur passion des pires qualificatifs et des pires descriptions. Et ici, on voit également dans le Coran ce qui signifie lorsque Allah dit à son prophète Daoud alayhi salam, ô Daoud, nous t'avons établi comme un Khalifa, comme un successeur sur la terre. Alors juge entre les hommes par la vérité et ne suis pas la passion car elle va t'égarer du chemin d'Allah. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah? Donc toute personne qui contredit ce que Allah et son messager ont ordonné, alors ça veut dire qu'il a suivi sa passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils ne te répondent pas lorsque tu les appelles à la vérité, alors sache que c'est uniquement parce qu'ils suivent leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidance venant d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit également à propos des mushrikines et des gens qui adorent autre que Allah et qui sont dans l'égarement, ils ne suivent que la conjecture et ce que l'âme désire. Et ce que l'âme a comme passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde tout individu ou toute personne qui va en contradiction avec l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son commandement, qu'il risque d'être frappé d'un châtiment, soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que ceux qui contredisent son ordre prennent garde qu'ils soient frappés par une fitna ou qu'il soit frappé par un châtiment douloureux. Et les ulama ont expliqué que la fitna, c'est quoi? C'est d'être frappé dans leur cœur par de l'hypocrisie, ou par de la mécréance, ou bien une punition quelconque. Et donc, la personne, le musulman, il doit se libérer de ses passions et se soumettre. Soumettre sa passion à la volonté d'Allah et de son messager. Et donc, tout ça c'est mentionné dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple ce qui signifie « N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» C'est-à-dire, c'est sa passion qui devient son Dieu. C'est ses désirs qui deviennent son Dieu. Hein? Et il dit « N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité et que Allah a égaré sciemment ?» C'est-à-dire, il a la connaissance, hein? Et il suit sa passion malgré qu'il a la connaissance. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal, il sait ce qui est halal, il sait ce qui est haram, mais il suit sa passion. Il met son amour pour qu'est-ce qui est de l'égarement ou qu'est-ce qui est contraire à la vérité, il le met au devant de l'amour d'Allah et de son messager. Donc ça c'est un problème. On peut appliquer cette chose-là à beaucoup d'aspects de la vie, que ce soit dans les questions des croyances, que ce soit dans les questions des pratiques religieuses. Les gens inventent toutes sortes d'innovations, toutes sortes de bid'a, et ils mettent leur amour de ces innovations au-dessus de l'amour d'Allah et de son messager, au-dessus de l'amour du Coran et de la Sunna. Ça peut être dans les aspects de qu'est-ce qui a rapport avec les passions, les désirs, les tentations, les choses halal et les choses haram. Quelqu'un qui aime les choses interdites, et il a de l'amour pour ces choses-là au point de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour les obtenir et pour les acquérir et il les fait. Donc tout ça c'est en contradiction avec l'amour d'Allah. La personne qui suit sa passion, elle va dans ces choses-là. Tu dis à quelqu'un, tu dois obéir à Allah, hein? Et il dit oui, mais moi je préfère faire autre chose parce que ça, je trouve que c'est dur, que c'est difficile, que c'est lourd. ou bien c'est en contradiction avec mes passions et mes désirs et refuse de se soumettre à l'ordre d'Allah à cause de ça. Donc ça, c'est pas correct. Hein? Et combien d'exemples on a de situations comme ça où quand on est dans un dilemme ou un conflit entre faire ce que Allah aime et faire ce que nous-mêmes on aime, et puis on place ce que nous-mêmes on aime au-dessus de ce que Allah aime. Et là, ça veut dire que on a suivi notre passion et notre désir quand on agit comme ça. Et on a laissé de côté l'ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il doit lutter contre son âme, contre ses passions, contre ses désirs. Ne pas devenir esclave de sa passion. Ne pas devenir esclave de ses désirs. Parce que s'il suit sa passion et ses désirs, il s'égare du droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les du'as qu'il faisait, souvent il cherchait la protection d'Allah contre les passions et contre les désirs. Et c'est ce qui a fait égarer beaucoup d'entre les hommes, même parmi les peuples précédents qui ont reçu des révélations et des livres, parmi les juifs par exemple ou les chrétiens. Et au lieu de suivre la révélation, ils ont suivi la passion et les désirs. Et chaque fois qu'ils avaient un conflit entre leur religion et leur passion, ils choisissaient leur passion. Ils choisissaient leur passion et ils mettaient leur passion au-dessus des ordres de la religion d'Allah. Et donc ça, c'est dangereux. Et parmi les ulama, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, un des grands savants de la religion, un des grands réformateurs, il dit que la personne qui suit sa passion, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle et sourd. Quand il entend l'ordre d'Allah et de son messager, il n'écoute pas, il n'entend pas, il ne voit pas. Même qu'il ne cherche même pas à savoir. Il n'est pas satisfait par ce qui satisfait Allah et il n'est pas en colère de ce qui met Allah en colère. Donc il est aveuglé complètement. C'est comme quelqu'un, quand on dit d'une personne qui est amoureuse d'une personne, on dit l'amour est aveugle. Eh bien, ça, c'est un genre de passion. C'est la même chose. Quand quelqu'un suit sa passion, il est aveuglé par cette passion. Même s'il voit la vérité, il voit les clarifications, les versets, les hadiths, toutes les preuves que tu lui présentes devant lui, il ne les voit pas. Même s'il les voit, il ne les comprend pas. Même s'il les entend, il ne veut pas les entendre. Il cherche uniquement à satisfaire sa passion et son désir. Donc, les ulama ont dit, la passion, elle rend aveugle et elle rend sourd. Donc, c'est très dangereux, c'est très grave et c'est très dangereux de suivre sa passion. Et parmi les moyens que quelqu'un peut employer pour se guérir et se sauver de la passion, c'est de purifier son cœur, de purifier son âme, de mettre Allah subhanahu wa ta'ala comme une priorité dans sa vie, de le craindre, de l'adorer et de se détourner de toute autre chose et de ne rechercher que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se laisser entrer en conflit dans sa foi, que ce soit par rapport à son âme ou sa passion ou la dunya ou un statut ou le pouvoir ou l'argent ou les femmes ou peu importe. Toutes ces choses-là sont des choses qui motivent les gens à suivre leurs désirs et leurs passions et à oublier l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné comme ordre à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant vis-à-vis de notre rappel et qui a suivi sa passion. Donc il lui ordonne de ne pas obéir à ce genre de personne. Et il lui dit, dans un autre verset, nous t'avons placé sur la voie de l'ordre, sur la charia de l'ordre. Alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et juge entre eux selon ce que Allah a révélé, et ne suis pas leurs passions. Il ne suit pas leurs passions. Et prends garde qu'ils cherchent à t'éprouver et te faire quitter une partie de ce que nous t'avons révélé. Donc tout ça, c'est des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé, ordonné à son messager et au messager en général de suivre la vérité, de s'accrocher à la vérité. Et qu'est-ce qu'on constate à notre époque? Malheureusement, beaucoup de gens ont ce problème, c'est que lorsqu'ils cherchent une réponse dans la religion, ils vont essayer de trouver la réponse qui vient en accord avec leur passion et leur désir. Et donc, ils vont chercher toujours la parole du savant qui va répondre dans le sens de leur passion. Et ils ne vont pas essayer de chercher le plus savant, le plus pieux parmi les hommes de science. Ils vont uniquement chercher celui qui va répondre. Et même parfois, quelqu'un va poser une question à un savant. Et si la réponse qu'il entend ou qu'il reçoit, elle ne lui fait pas plaisir, il va poser à un autre, et à un autre, et à un autre. Jusqu'à ce qu'à la fin, il tombe sur quelqu'un qui va lui dire, « Ok, d'accord, ça c'est halal, tu peux le faire. » La personne qui agit comme ça en réalité, elle ne cherche pas la vérité. Elle ne cherche pas le jugement qui vient d'Allah. Elle cherche uniquement à satisfaire son désir et sa passion. Donc le croyant, il n'agit pas comme ça. Le croyant, il va prendre la position, s'il a suffisamment de science ou de connaissance de la religion, il va regarder entre les positions des ulama et il va voir lequel d'entre eux s'est basé sur une preuve qui est plus claire et plus solide, plus authentique, et il va la prendre. Mais celui qui n'a pas suffisamment de science pour être capable de distinguer entre les arguments des ulama et les preuves qu'il ramène, alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se baser sur le plus savant d'entre eux et prendre celui en qui il a le plus confiance parmi les hommes de science pour sa piété et son savoir. Et celui parmi eux que les autres savants considèrent comme étant le plus pieux ou un des plus pieux parmi les hommes de science. Et il lui demande et il prend sa fatwa. Mais il ne va pas chercher uniquement à satisfaire sa passion et son désir et accepter la passion, accepter la position qui est uniquement celle qui est en accord avec ce qu'il veut lui. Sinon, ça veut dire qu'il ne suit pas la vérité, mais il suit uniquement sa passion et son désir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.